Assalamu alaikum, bienvenue sur Radio Dio pour Lengue Rebelle. Lengue Rebelle sur Radio Dio. Du coup, aujourd'hui, on va vous parler de décolonialité. Qu'est-ce que c'est fait après la colonisation des fait. Du coup, le thème d'aujourd'hui, c'est lengue et décolonialité. Vétien. Donc, vers comment la langue pour être un outil, un ourdi pour sortir de quelle impasse, de quelle drone, quel état la colonisation. Et du coup, on va commencer par écouter une chanson, c'est ça? Oui, tout à fait. Vas-y. C'est parti. Fai-tira. On est toujours sur 89.5 Radio Dio. 89.5. Thank you. êtes toujours sur Radio Dio avec Langue Rebelle. Trak Nvanzu, que vous voulez dire? Comment, pardon, je n'ai pas entendu le début de ta phrase. Trak Nvanzu, que vous dire musique d'Aussu, en tamazir, qui est une chanson de dire, et que nous faisons penser à l'histoire de la représentation d'un acte de chanson. Ça parle d'une enseigne d'au sud, et que c'est tout au même sud, un autre occitan, catalan, galicien, et des nord d'Afrique, et qu'il y a même des musiques, la musique en commun, et qu'il y a une enseigne qui est intéressante, que je suis content d'être à partir de quelle enseigne. Et on ne patche pas que des moumins pour un format d'autres enseignes. Par exemple, de se dire, notre Occitanie, c'est au nord des Méditerranées, que notre enseigne est à quel espace à l'autour de la mer Méditerranée, et que c'est au nord, mais au nord des Méditerranées. Et tiens. Ouais, ça dépend des jours. Des fois, on se sent plus appartenir à tel ensemble et d'autres jours à un autre. Et c'est bien de pouvoir l'affirmer comme ça. En tout cas, cette chanson, elle m'a là donné l'envie de à la fois faire des petits tapotis dans mes mains style flamenco et en même temps de faire des you-you, tu vois. C'est le sud. Ça m'a fait ça. Alors, est-ce que nous pourrions écouter peut-être tout de suite une petite interview? Qu'en dites-vous, chers collègues de Langue Rebelle? Ouais, on va peut-être présenter, non, avant... Eh bien, oui, effectivement, nous pourrions présenter cette personne. Donc, son prénom est Ahmed, mais nous ne pouvons pas vous dire son prénom, son nom de famille. Non pas forcément pour un désir d'anonymat, mais simplement parce que vous n'aurez jamais son véritable nom de famille. Comme peut-être moi-même, je ne connais pas mon véritable nom de famille, puisque en Algérie... des milliers et des milliers de noms de tribus, en fait, ont été modifiés dans ce qu'on appelle des bureaux arabes. Les bureaux arabes ont été mis en place, en fait, lors de la colonisation française, par le biais religieux, pour arabiser, en fait, plein de noms de tribus qui commençaient bien souvent par Haït. Et ce qui fait qu'à une certaine époque, dans ces tribus, on se présentait comme, eh bien, peut-être Ahmed, Ben Mohand, Ben Salim, Ben quelque chose, puis on terminait par Haït. Ça veut dire quoi, Haït? Alors, Haït, je ne sais pas ce que veut dire exactement ce mot, mais je crois que c'est comme un « de », c'est-à-dire « de » là où on vient, et ensuite venait le nom de la tribu. Et Ben, ça, c'est « fils de », en fait. Donc c'était « je suis Ahmed, le fils de », qui est le fils de, qui est le fils de, qui est de la tribu de machin. Et voilà, maintenant ça a changé, et grâce ou plutôt à cause de ces bureaux arabes qui sont connus pour donner des noms, c'est-à-dire que si on venait avec, je sais pas, si on avait dans la main une pomme de terre, on pouvait très bien se faire nommer shérif pomme de terre, donc shérif batata. Donc c'était l'administration qui... C'est l'administration qui décidait, non sans beaucoup, beaucoup d'ironie et de moquerie, comment nommer les gens, et donc comment les couper de leurs racines. On va donc écouter quelques mots de Ahmed. Qui habite ici, à Saint-Étienne. De Saint-Tièvre, ouais. De Saint-Tièvre, de Saint-Tièvre, ouais. Okay. Alors, c'est parti. C'est parti. Pas vite, mais quand il est parti. On n'est pas pressé. Ça remonte à l'enregistreur mécanique. Ouais. Eh bien, écoutez, je dois vous avouer que j'assiste à un problème technique inouï, puisque la piste ne fonctionne pas. Nous allons donc peut-être nous écouter de nouveau un petit morceau avant de peut-être retrouver comment fonctionne ce truc, puisque là, je ne sais pas si je m'en sortirai. Alors, je vous propose d'écouter peut-être Seigneur Frances. Très bien, parfait. Eh bien, allons-y. Oui, allons-y gaiement. Bon, mais écoutez, c'est bon. Je sais, j'ai la réponse. Tout va bien. Tout va marcher. Je vous prie de m'excuser, chers collègues. Chers collègues, arrête de nous appeler collègues. Attendez, je le remets. Bon, du coup, on écoute qui, là? Ahmed. Bah non, ok. Bah non, Betia. Fin d'année dernière, au mois de décembre, il y avait un projet de loi de la loi de finances de l'État algérien. En fait, et pour introduire, enfin donner en fait, un budget pour l'enseignement de Tamazight dans le système éducatif. Et en fait, cette loi, elle était rejetée par la majorité parlementaire algérienne, dans le FLN, le RND, et aussi les islamistes, qui sont contre d'ailleurs notre langue. Hein. Pour eux, il n'y a qu'une langue, c'est la langue arabe, pas plus. Dommage d'ailleurs. Et du coup, en fait, c'est que le fait que cette loi a été rejetée, là, tout a changé, en fait, tout a basculé d'un coup. En fait, la société n'est pas contente. Les gens ne sont pas contents que notre langue doit être rejetée. Une loi pour promouvoir notre langue est rejetée au Parlement par les parlementaires algériens. Et ce qui s'est passé en Kabylie en particulier, à partir des primaires jusqu'à l'université, tous les étudiants ou lycéens et collégiens sont sortis dehors, même des universitaires, manifestés contre ce rejet comme un acte, c'est-à-dire un acte discriminatoire en réalité. Et du coup, face à ça, les autorités algériennes, pareil, pour répondre à cette colère, ils ont en fait officialisé ce qu'on appelle le nouvel an berbère, qui tombe le 2 janvier de l'année chrétienne, et comme journée officielle, chômée et reconnue. Sachant que notre année berbère, on est cette année, maintenant, on est en 2968. Mm-hmm. On est 950 ans d'avance, on est devant. Et du coup, voilà, l'État algérien face à la rue, mais la rue, ce sont des étudiants, des lycéens qui sont dans la rue. Et là, l'État a peur de ça. Ce sont des gens qui ont une conscience, une conviction. Tu comprends ce que je veux dire? Et du coup, voilà, ils ont promis maintenant de créer ce qu'on appelle une académie de Tamazight. Elle n'a pas encore été créée. Au moment où ils ont essayé de choisir qui va la diriger, entre ceux qui sont en fait, parce que dans le combat culturel berbère, tous les militants berbères, ils sont tous des opposants à l'État algérien. Alors, il y en a certains Kabyles qui sont proches de l'État algérien. L'État algérien essaie de les introduire dans le mouvement revendicatif de la langue berbère, mais automatiquement, en fait, eux, ils n'ont pas cette philosophie de combat. En fait, eux, c'est juste pour faire plaisir aux autorités algériennes. Maintenant, je pense, dans quelques semaines, une académie va être créée pour promouvoir. Mais quand même, franchement, on n'a jamais confiance. On n'a jamais confiance à l'État algérien, parce que l'État algérien, la stratégie, c'est de calmer les gens. Mais s'il a voulu vraiment de promouvoir notre langue, il aurait dû le faire ça en 1962. Ok, c'est un passage bien intéressant. Victor, voyons bien l'histoire des estaques qui s'opposent tout le temps à la langue parce qu'il leur faut peur, en fait, qu'il y a une se sentissent menaçés. Belé, parce qu'ils ont des... On l'idée d'empêcher le peuple de s'exprimer, en fait. Hein. Et du coup, là, il y a une idée de... Bon, ben, pour canaliser cette population, ces jeunes et tout, on va créer un petit espace de... Peut-être de... pour qu'ils puissent s'exprimer sans pour autant une vraie reconnaissance. Enfin, j'imagine que ce n'est pas encore suffisant. Après, un espace pour qu'ils puissent s'exprimer... Comme l'académie. Justement, ouais. Enfin, parce que, je sais pas, mais genre, un espace d'expression pour les jeunes, j'ai peur que l'académie ce soit pas forcément le meilleur endroit. Qu'un espace d'expression où on serait directement brimant, en fait. C'est fait penser un peu à Naco. Hein. Ouais, et du coup, il y a cette idée de créer un espace. Juste pour calmer des... Enfin, pour contenir. Ouais, pour contenir quelque chose et pour qu'en fait, tout continue bien tel qu'il est déjà en route, quoi, en fait. Il n'y a pas d'idée de révolutionner le rapport aux langues, en fait. OK. En tout cas, ça marque quand même la présence de cette langue officiellement. Et l'importance de la lutte aussi culturelle. Oui, qui ont quand même, du coup, des résultats. Après... On peut quand même avoir peur des résultats, puisque, effectivement, de ce qu'on connaît au niveau de l'académie, ça fait un peu. Hein, fait peur. Faille pas rêver. Ça fait pas rêver, ouais. Après, ce qui me fait penser, est-ce que dans les histoires de colonisation, En particulier en colonisation française, il y a eu l'idée que la langue française, comme langue unique, est un peu une pilier central de l'idéologie colonialiste. Et le résultat, la conséquence, c'est qu'il y a encore des personnes qui s'imaginent, que si en Europe, en Afrique, que si ne parlons pas français, ne seront pas jamais intelligents. Pour être intelligent, ça vous parle français. Alors que là, nous parlons 4, 5, 6 langues. Mais si nous parlons pas français, nous ne serons pas jamais intelligents. Ouais, il y a une sorte de hiérarchie des langues qui n'est pas, pas faite de manière explicite. Mais en fait, on voit bien dans les langues qui sont enseignées à l'école qu'il y a des langues qui sont justement, qu'on peut enseigner, qu'on peut apprendre à l'école, qui sont valorisées et d'autres qui ne le sont pas du tout. Donc il y a bien une hiérarchie. Complètement artificiel. Après, est-ce que c'est vraiment une histoire d'être intelligent ou pas quand on sait parler une langue coloniale? Je pense que c'est surtout de se dire que si on ne parle pas une langue coloniale, donc le français, l'anglais ou l'espagnol, en fait, on ne sera juste pas entendu. Et qu'à partir de là, on aura beau être le plus intelligent du monde, il n'y aura pas de reconnaissance de ses idées si on ne peut pas les transmettre dans une autre langue. Et ça, je trouve ça triste parce que c'est l'hégémonie de ces langues-là qui font qu'on ne va pas, dans l'autre sens, apprendre, on en parlera plus tard, mais Lingala, par exemple, où il y a peut-être des idées ou des formes d'idées qu'on ne pourra jamais traduire, quoi. Et puis, il y a l'idée, il y a l'organisation du monde qui fait que ce qui est important est le plus gros. Ouais. Et il y a une endroit en Océanie où que avions pas de langue officielle et avions 12 langues, 12 langues, et on décidit de prendre la langue la mai petite comme langue officielle. Ah, ils se sont dit l'État est attiré pour faire une protection par parole le petit, pas le gros. Donc en Mbuta comme langue officielle la mai petite et la mai fragile. Et qu'elles trouvent que c'est intéressant d'avoir un test parce qu'elle permet de sortir de l'estème, du schéma qu'avait Mati, où c'est toujours le mai gros, que c'est l'égalité par le mai gros, en fait. Qui a plus de reconnaissance. Ok. Et à propos de tout ça, comment on apprend ces langues et grâce à qui? Comment apprenons pas les autres langues? Autant pour moi, je me suis trompée de question. Comment n'apprenons pas les autres langues et à cause de qui? Mais tiens, comme sème en France, comme disons, avec quelqu'un qui a joué un rôle important dans la diffusion de l'idéologie colonialiste française, qui est Jules Ferry, et vous dire une petite citation de quel homme pervers jusqu'où est capable de peindre ça. Pardon, quand tu as dit pervers jusqu'où capable de peindre ça, j'ai entendu juste le mot pervers. Okay, pas complètement. Les prochaines, comme ça, je les garde pour moi, mais là, je ne pouvais pas. Donc, Diziol, au 28 juillet 1885, à la chambre d'un député, il y a, je crois, quelque intérêt à résumer et à condenser sous forme d'arguments les principes, les mobiles, les intérêts divers qui justifient la politique d'expansion coloniale. Messieurs, il n'y a pas d'effet. Il y a un second point, c'est le côté humanitaire et civilisateur de la question. Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures... Ça fait des frissons. Un droit parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Waouh, ça fait mal aux oreilles quand même. Heureusement qu'on ne fait pas l'émission le matin, t'imagines, pour commencer la journée. Il y a quand même une école qui s'appelle l'école Jules Ferry. Ah oui. Elle me fait mal à la zuelle, son maille. Hein. Et à la tête. Et puis, plus d'une. Puis c'est vrai que quand même dans les discours, là c'est, on voit vraiment quand même le fond de sa pensée, et dans les discours on attribue quand même l'école publique laïque gratuite quand même à cet homme, alors que c'est les lois de 82 qui ont fondé l'école de la Troisième République, ça a été bien sûr cet homme qui les a pondus, mais et il y avait quand même des choses qui paraissaient avant-gardistes pour l'époque. On parlait d'aider l'enfant à raisonner de lui-même sans règles de logique, des choses qui paraissent quand même assez assez émancipatrice quand même. Et il ne faut pas oublier que cette école de la Troisième République, elle est quand même, c'est quand même à la base un projet, ça a été mis en place pendant la Commune. Et je pense que, ouais, comme tu disais tout à l'heure... Jules Ferry a taffiné les idées libertaires au communard. Et donc, cet héritage... Cette école sous la Commune allait bien au-delà de ce projet qui a été pondu dans les années... Enfin, en 82. Et c'est fou comme... l'État arrive toujours à se réapproprier des initiatives qui sont intéressantes pour derrière en faire quelque chose avec un but qui est pas le même et avec beaucoup plus pervers quoi. Enfin, c'est des contre-rôles et de maîtrise du peuple en fait, de l'empêcher de s'exprimer et d'exister et de penser. Ça me fait penser à une autre citation qui disait: si vous voulez une saine domination des classes supérieures, il ne faut pas fusiller le peuple mais l'instruire. Ah, mais ça, c'est qui dit ça? C'est Félix Pécaud en 1871. Charmant. Charmant. Charmant. voilà. comme de la Tsansouk avait écouté le Copassa, Marie de Souriona, où on parle de pas d'éducation nationale, mais d'aliénation nationale. Ça, c'est du propre. Alors, on va passer tout de suite à un nouveau morceau que vous n'avez jamais entendu dans cette émission, qui s'appelle Seigneur Frances. Justine Bellet parle aussi un peu de l'histoire de ce qui s'est passé en Corse, justement. De ce qui est une langue qui ne s'uniformise pas et qui respecte. Tu crois qu'on en parle tout de suite? La bien marqué comme quoi. Parce que sinon, on pouvait en parler un petit peu plus tard, mais bon. Ouais, on peut. Écoutez, qu'est-ce qu'on décide? Est-ce qu'on va voter? Point de demande au monde et à l'inverse, ils répondent sous l'adresse mail. Ah, vas-y, à la main levée. Est-ce que la question? Ok, non. Bon, en fait, c'était sur cette idée d'enseigner les langues à l'école, en fait, qu'il peut y avoir un risque de normalisation de la langue qu'on peut appeler régionale, par exemple. La langue propre. Et du coup, c'est cette question de... Ouais, avec le Corse, il y a eu tout un mouvement de revitalisation de la langue corse et ils se sont posé cette question de comment ne pas rentrer en rupture en fait, entre ceux qui parlent la langue et qu'il y a plusieurs manières de parler le corse. Et l'enseignement qui des fois nécessite un petit peu une sorte de standardisation et du coup ils ont essayé de, ils appellent ça une expérience polynomique, enfin ils ont essayé de garder cette variété en fait de langue corse dans l'enseignement du corse. Enfin, par la voix des ruptures entre la langue hérita des personnes qui ont la langue des naissances depuis toujours et la nouvelle génération qui apprennent la langue. Et Bélé, à quoi il faut penser ça pour Atsaba en Ako, à une idée des normes d'usage et pas des normes normatives des faits. De prendre en compte ce que c'est fait réellement sur le terrain, ce que c'est dit, ce que comme parle le monde, père enseignant. Oui. Et transmettre. Ok. Bon, ben, Arsène Frances qui a payé. Sur ce, qui va peut-être terminer notre thème ou... Eh bien, écoutez, nous allons lui demander pendant la chanson, qu'en dites-vous, cher collègue? Donc, Seigneur Frances. Il popolo che margo di un bandre se è l'uomo del cittadin a cui mi sa se for da che popolo chi do gran cor e gli uti non se ne mor che non pulito peno de mor a cui fa place in francese lo che qui dice in francese per te bontà alleluia lo mondo in base tornerà vida. qui parti soit là, tout à quel monde est signe d'unité, per una première puis adresse, à Melatrico et l'Asperçu, per ne fa de bon servitou, limitas de français, tout juste au bon assir al de souliers, per au sol une d'alès, ma ta servici t'es bêtes. A quoi pas ta seigne française? Vous êtes sur Radio Jo, c'est Langue Rebelle 89.5. Et venez d'écouter Saignée Française de Lotte Albert. Mais Saignée Française, écoute, Saignée Française, donc Monsieur Français, a fait de notre chère France un endroit bien illogique, puisque l'on y retrouve certains noms comme la Drée. Peux-tu nous en dire un peu la plus draille. Donc, nous sommes sur notre rubrique toponymie, j'ai l'impression. Ah oui. Toponymie. Des fêtes en putaffinant la langue a rendu le monde complètement incapable de comprendre leur pays. Et il y a une citation qui dit « Quand veillez une carte, comprenez pas du tout le nom, ce que vous voulez dire, et ignora la langue, est-ce comme une poule devant une couteau. C'est le moindre retour des sens. » Et donc, j'espère encore qu'essayant d'avoir fait avec la rubrique des toponymies pour essayer de comprendre un peu le sens de nom des endroits qui sont toujours autour de nous, mais que si le comprennent pas, passent à Costa et donc la draille. La draille, en fait, c'est un mot qui, à la base, est l'idée d'une tsami de la montagne. Donc un chemin. Une tsami, ouais, un chemin. Et qui est souvent lié à l'étivaz, à la transhumance, mais pas toujours. Et c'est trouve qu'il y a des dendrées comme à Rochtoyo. C'est quoi, à Rochtaillé? Ouais, ah. Un endroit qui s'appelle le chemin de la draille. Le chemin? Ah oui, donc du chemin. Ça répète, comment on appelle ça déjà? Une redondance. Non. Si, c'est un synonyme de redondance. Un pléonasme. Un pléonasme, bravo, vous gagnez. Non, mais tiens. Donc, comprenez que la draille est une draille, est une tsami, un chemin. Arrêtez de dire l'utsami de la draille. Est-ce que c'est un appel à la France que tu fais de arrêter de dire le draille, le chemin de la draille? Eh ben, pour faire en fait un appel à la France, des commissaires pour apprendre notre langue avant de nous expliquer la vie. Oui, ah voilà, voilà une bonne chose. Donc vous tous qui nous écoutez par millions, arrêtez d'utiliser cette terminologie. Est-ce qu'on un autre exemple en Arpitane, il y a un grand lac qui s'appelle Léman. Et oui. Et lait en Arpitan veut dire lac. Donc quand on disait le lac Léman, on disait le lac Lacman. C'est lac Lacman. Incroyablement stupide. J'ai pas d'autre définition. Mais c'est très intéressant, justement. On passe tout de suite à notre seconde rubrique avec cependant un petit mot. Parce qu'en fait, j'aime les langues, mais quand tu apprends quelque chose avec ta propre langue, c'est autre chose. Ouais, c'est quand même vachement mieux quand on apprend un petit lexique avec Leng Rebel. Et donc ça, c'était une petite phrase d'Ahmed qu'on a écoutée en début de l'émission, donc vous avez dû le reconnaître. Per sortir de la idée de la colonisation et rapport à la Leng, il y a une idée qui nous plaît, c'est de dire qu'il pourrait faire des post-coloniales. De faire, déjà, de commencer à décrire l'après. Et pas simplement de se dire c'est mon lutte contre le colonialisme, de se dire que c'est déjà des passages, déjà ça tabac. Et par exemple, de faire des ponts entre des langues non dominantes, d'une endroit à une autre loin. Et Ati a une lexique qui est Occitan Pular. Donc Pular est une langue, la langue des pulls en Casamance. Alors, pour éviter toute mésentente, il ne s'agit pas de la langue des pulls au sens du chandail que vous portez peut-être, mais des peuls. J'ai besoin de clarifier les choses parce que moi-même, des fois, je comprends mal. Donc voilà, c'est donc occitan peul. Donc, Aurélien de Tchaïr, qui faisait une immersion des Akelpaï pendant le long moment, fardait une lexique pular, Occitan pular, et qui nous permet de passer directement de l'Occitan au pular. Donc, vous direz que mou comme bounenei. Bounenei, et donc en peul, en pular, ce serait mbalen et djam. Mbalen et djam, qui veut dire littéralement. Passer la neige, un pas en paix. Ah. Une autre phrasounette. Mange. Quelqu'un qui ne veut pas minza. Miam. Ok, j'ai failli faire la traduction en français, mais on a dit qu'on passait pas. Mais dit-on de nous dire minz et niam. C'est manger, quoi. Ouais. Ah. Non, qu'est l'impératio. Ah, mange. Mange, ah, minza. D'accord. Alors ouais, alors si vous voulez, j'essaye, mais je pense peut-être ça va être plus simple, de comprendre à partir de ces deux langues, j'essaie de comprendre en français. D'accord, qu'est-ce une jo en fait. Je vous écoute, ouais. Radio diffusa. Ouais, je vous écoute en occitan et en peul. Donc après, mes soins, Zanzanette. Biete miko Zanzanette. Mon prénom est Zanzanette. Koyoko. C'est ça? Ouais. Mm-hmm. Allez. Ou on peut aussi dire en peul Indeam ko Zanzanet. Je m'appelle Zanzanet. Mais tiens. Faudra faire une chanson de Zanzanet à Opaïs Peul. Oh, ouais. Ok, et on avait d'autres. Enfin, dans le lexique, oui. La dernière fois, tu nous avais ramené des mots de votre lablangue. Du lablangue, en effet, puisque le lablangue n'a de cesse de recréer la langue française. Je sais pas pourquoi je prends ce ton quand je parle. Donc, on avait le mot comanque, qui veut dire manque de sa communauté, et qui vient tout juste de trouver son équivalent en occitan. Zoko. Donc, en occitan, comme il y a une verbe, parce que l'occitan a mal des facilités à créer des verbes. Mm-hmm. Et donc, c'est cum fauta. C'est cum fauta. C'est cum fauta. Cum fauta. Vetia. Ok. Donc, non, c'est juste cum fauta. C'est pas. C'est. C'est parce que pronominal, c'est celui-là. Ouais. Est pronominal pour dire qu'est-ce qui nous concerne, des failles. Et fauta, oui, okay. Qu'est-ce que le manque, le besoin, et cum nota. C'est cum fauta. Pour, en fait, c'est donc la traduction du verbe comanquer. Comanquer, ouais. Mais tiens. Et donc, nous avions un autre mot, c'était, enfin, un verbe, qui est le verbe affectiger. fait d'apprécier une personne tout en la ménageant de certaines de nos convictions. On parle d'affectigation. Quelle est sa version occitane ? Mainazuna. Mainazuna. Mainazuna. De fait, mainaza, qui est une ménager. Mm-hmm. Et la terminaison en binominitu, un. Un. Qui est bas d'une dimension affective. D'accord. Donc, mainazuna. Mainazuna. Qu'on essaye de bailler l'idée d'affectiger. Mm-hmm. Et, tiens. Et en direct pour vous, millions d'auditeurs, nous avons un tout nouveau mot que nous allons essayer de traduire en direct. Voilà, il date de la semaine dernière, c'est le mot incodescent. Incodescent, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un mélange d'incohérence et d'indécence, pouvant rappeler l'incandescence, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau nerveux lorsque vous observez quelque chose d'incodescent. Mais wow. Suivi. Alors, attends. Le petit défi. Incohérent et indécent. Et indécent. Et donc, il faudrait trouver un équivalent en occitan. Macassiou. Comment ça veut dire quoi, ça ? Macassiou. Macassiou, c'est le mot que tu proposes ? Ah non, comme vous dire qu'elle va pas être évidente. Ah. On peut laisser ça pour de relambim, pour de temper, c'est... Ouais, on peut peut-être... C'est un défi que je vous lance, à vous aussi, auditeurs. Si vous trouvez... auditorice, pardon, je m'en veux tellement. Si vous trouvez donc une version occitane, arpitane, ou d'autres langues de ce mot incodescent ou incodescence ou incodescente ou incodescente... Non, c'est bon. Envoyez-le. Incodescente. Quoi ? Incodescente. Pas mal. Eh bien, envoyez-nous vos réponses à langue@riseup.net. Ça s'écrit lengres-rebelas@riseup. Oui, vous l'entendrez plus tard, mieux épelé que ça. En attendant, est-ce qu'on s'écouterait pas encore un petit truc ? Bah si, avec plaisir. Allez, c'est parti. Me demande pas. Thank you. Vous êtes toujours sur Radio Dio et encore plus dans Langue Rebelle. Du coup, ça nous a laissé un peu de temps pour réfléchir, mais on n'est pas trop. Il n'y a pas franc trouvant. Non. J'avais une proposition, mais ça satisfait moyen. C'était. C'est quoi déjà, j'ai dit Sin Repesta. D'accord. Je prends. Un mélange entre respect, tête, avec le préfixe sans. Enfin bon, bref, non, c'est pas satisfaisant. Bio, elle est au peita de verso qui arrive sur la boîte mail. Oh, excuse-moi, j'ai pas compris. Elle est au peita, attendre, ce qui arrive sur la boîte internet, sur la boîte mail. Ah, j'ai un peu hurlé. Tu attends que ça arrive sur la boîte mail. Mais tiens. Effectivement, nous vous attendons tous, chers auditeurices. Et en attendant, nous passons à une nouvelle rubrique avec, attention, l'actu des langues. Ok, et c'est quoi l'actu des langues aujourd'hui ? Eh bien, l'actu des langues aujourd'hui s'avère être relativement court, mais c'est pas grave parce qu'il est déjà 17h48 sur Radio Joe 89.5. Mais nous avons tout de même à vous annoncer, comme l'a prédit Ahmed, et comme on en parle aussi dans la presse, la future création d'une académie tamazire. Normalement, d'ici fin 2019, espérons-le, j'avais envie de dire Inch'Allah, mais je ne sais pas le dire en tamazir, donc je m'en abstiendrai. Ok. Et... Betcha. Pour rebondir peut-être là-dessus, rappeler, je sais pas, à voir sous quelle forme l'Académie tamazir, elle peut prendre forme, enfin justement... prendre forme, qui c'est qui sera dans cette académie, et voilà. Ce que vous voulez dire, est-ce que si nous parlons dans la presse, l'écrivons pas en gros, c'est un petit caractère qu'elle écrit, vous, hein. Ça n'entend pas par là des pertoudes, quoi, hein, que ça ouvre à peine. Mm-hmm, c'est vrai. En tout cas, voilà, si vous voulez postuler pour cette académie ou si vous voulez même enquêter sur place ou de manière parallèle, pareillement, n'hésitez pas à nous communiquer toute information relative à ce sujet à notre adresse mail, je la redis, lengrebel@writeup.net, ça s'écrit lengrebels@risseup.net. Et on se réécoute encore une petite chanson avant de passer à l'agenda. Ouais. Allez, encore donc, une petite chanson. C'est une chanson d'un groupe qui s'appelle Way. Way, et ça s'appelle Hi Mama. Est-ce que peut-être on peut dire de quoi ça s'agit? Qu'une tsansu sur ce qui s'est passé au testé. Mm-hmm. De la lutte contre le barrage, le barrajas. Mm-hmm. Des Sivens. Des Sivens, ouais. Voilà. Allez, on s'écoute. Way, Hi Mama. Dédi la forêt, y a un riu qui raja. Dédi la forêt, y a un riu qui raja. Ay mama, c'est sa bies, comme le riu faisait un vege. Ay mama, c'est sa bies, comme les gens s'y souraient qu'un pas. Voulait tout compas. La terre est lisa au bré, voulait tout compas. La terre est lisa au bré, ay mama, c'est sa bies, comme le riu faisait un vege. Ay mama, c'est sa bies. Comme les gens s'y souraient qu'un pas. Voulien tout coupant. Dédi l'oubouskadji. Voulien tout coupant. Dédi l'oubouskadji. Aïe mama, c'est sa bies. Comme l'ouri ou fasier un verge. Aïe mama, c'est sa bies. Comme les gens s'y souraient qu'un pas. Voulien à ses cas. Si souriez qu'un pas. Voulien fa Bastille, la grande reste en cas. Voulien fa Bastille, la grande reste en cas. Voulien à Béra, c'est qu'en sud des tables. Voulien à Béra, c'est qu'en sud des tables. Si son arrêtja, passez ma gouya. Mama, c'est sa bies, comment c'est qu'à garouya. Aïe, mama, c'est sa bies, comment l'ouri ou fasier un vege. Aïe, mama, c'est sa bies. Comment les gens s'y souraient qu'un pas. Si souhait qu'un pas. Si souhaitera, père un pacha lucha plé. Si souhaitera, père un pacha lucha plé. Aïe mama, c'est sa bies. Comme l'ouri ou fasier un vege. Aïe mama, c'est sa bies. Comme les gens si souhait qu'un pas. Les mes s'en passa. Amanda l'armada. Les mes s'en passa. Amanda l'armada. Aïe mama, c'est sa bies. Comme l'ouri ou fasier un vege. Aïe mama. J'ai si souré qu'un pas. Les cris d'une coustade et l'autre et les grenades. Les cris d'une coustade et l'autre et les grenades. Dédi la foulesse, y'a des plouques et radios. Dédi la foulesse, papa tout pas l'ou fraissé. Aïe mama, oublie d'en pas, l'ou non d'en pas, on est rémi fraissé. Aïe mama, oublie d'en pas, l'ou non d'une jouve sacrifica. Et voilà, c'était Uei, Aïe Mama. Ah, non, on n'entendait plus mes collègues. Ouais, arrête de nous appeler tes c'est collègues. C'est un tournoi, du coup, bah, on va directement enchaîner, non, avec... Avec attention. L'agenda. L'agenda. Agenda. Ok. Donc, combien se mêlait au père toujours l'autre? Le talier des récupérations linguistiques, des autoréparations linguistiques. Ça, c'est trop bien. d'autoréparation linguistique d'un remue-ménage sur l'occitan qui se faille juste une 36 minutes au café lecture le remue-ménage Vicentièvre, donc jusqu'à 8 tours. Et après, tout de suite, à 8 heures, s'enchaîne avec la chorale révolutionnaire occitane et autres qui se déroule à Sarroule. Oui, Sarroule, 15 rue Georges Dupré. Par ailleurs, le 31 mai, je voudrais vous signaler une conférence qui aura lieu à l'Amphi Papin. Pour ceux qui ne sont pas étudiants, étudiantes, c'est rue Denis Papin, c'est pas très loin de la fac. Une conférence qui se nomme « Le voyage des langues par les chansons » par Marielle Rispaille, qui est enseignante-chercheuse à la fac. Je vous lis le petit résumé. Bah, bien sûr, ouais, je ne savais pas que c'était Marielle Rispaille. Mais si, c'est Marielle Rispaille. C'est génial. Donc, les chansons sont à la fois un témoin de la circulation des langues dans le monde et un moyen de cette circulation. Elles servent à l'accompagnement des voyages collectifs et individuels, aident à passer d'un pays, d'une culture ou d'une langue à l'autre. Pour le migrant, le voyageur, le nomade, elles peuvent être enracinement ou rêve de futur, souvenir ou utopie. C'est à partir de quelques chansons qui inventent une nouvelle façon de tisser les langues, et peut-être de tisser le monde, et de témoignages de personnes vivantes à Saint-Étienne mais nées ailleurs, que nous illustrerons notre propos. Donc voilà, je n'ai pas encore dit les dates, donc c'est la conférence Le voyage des langues par les chansons, qui aura lieu jeudi 31 mai, c'est la semaine prochaine, à vos agendas. À quelle heure ? De 14h30 à 16h30. Je rappelle que c'est un événement organisé par l'Université pour tous, que je ne connais pas bien les modalités d'entrée, ouais. Mais allons-y gaiement, et voilà. Ok, très bien. Et du coup, le samedi 9 juin, il y a quelque chose aussi, c'est ça, pas à Saint-Étienne, mais à Saint-Bonnet-le-Château. En fait, il y a Saint-Bonnet-le-Château, donc pas bien loin des Saint-Tièvre, final. Et du coup, c'est un événement autour d'un livre, tu peux nous en parler peut-être ? Une livre édita par les éditions La Retournada, qui s'appelle « Géographie paysanne », qui parle en grosse partie, mais d'autres via aussi d'autres choses, des noms de lieux et des noms de lieux des petits villages où, et du lien avec la langue occitane, et de tout plein d'éléments qui sont en rapport avec notre langue, qui sont autour de nous et qui ne veillent pas, qui ne comprennent pas. Donc pour recomprendre et se réapproprier cette langue qui nous entoure, c'est un ouvrage très intéressant, un bon outil. Et donc, la 8 tours du soir, au bar des Amis à Saint-Bonnet. Okay. À quelle heure ? Alors attends, ouais, il y a donc la présentation du livre Géographie paysanne. C'est à quelle heure ? Et à quelle heure ? À 8h du soir, à 20h. Ah, c'est à 20h la présentation du livre ? Ouais. Ok. Et après, il y aura des tsansous en occitan, en arpitan et d'autres langues de chorale. En langue locale et du monde. Par des chorales d'ici et d'ailleurs. Ah, c'est beau ! Et ouais, les langues d'autre part sont locales à autre part en fait. Oui, effectivement. Exactement. Et la langue locale sont d'autre part par autre part. Donc rendez-vous dans le 9 juin à Saint-Bonnet, le château, à partir de 8h du soir. Tout à fait. Ok. Et c'est là-dessus que se termine notre émission. Mais avant, nous avons encore à vous présenter une petite pépite musicale. Ok. Donc c'est Tsege, le nom du groupe. Tsege. Qui veut dire, on a dit quoi déjà? Ça veut dire... petit jeune qui traîne dans la rue, je sais pas quoi. Ouais, voilà, qui joue ou qui traîne dans les rues. C'est à peu près ça. Au Congo, je crois. Oui. Voilà, c'est un mot. Et donc, c'est le Tsege, c'est le groupe qui est composé de Fatih Sissavanet et de percussion de Nicolas Dacuna. Et rappelons que, enfin, vous allez l'entendre, mais Fatih Sissavanet chante en partie en lingala, mais aussi avec des mots inventés. Alors voilà, si vous allez arriver à percevoir quels sont les mots qu'elle a inventés dans la chanson, envoyez-nous vos réponses à lengrebelle@raiseup.net. Mais aussi, même s'il y a des auditeurs qui connaissent un peu le lingala, on est vraiment preneur d'une traduction de ce qu'elle dit, d'une interprétation. Ou d'une intervention dans l'émission. Voilà, parce qu'on ne connaît pas. Eh bien, il y avait des vias sur la boîte mail. Vas-y, pète la boîte mail. Oui, n'envoyez pas trop de mails non si, plus. Si, parce... si. Je le répète une dernière fois au cas où, ça s'écrit donc lengeals@raiseup.net. On va peut-être terminer par prévenir de la prochaine émission. Oui, on prévient. C'est le 27 juin. J'espère Attention. Que vous attendez tout ça avec impatience. Mais oui, non mais... On va peut-être vous manquer un petit peu pendant un mois. Voilà. Et du coup, c'est le 27 juin à 17h, toujours sur Radio Dio. Et parlerait belé, probablement de la représentation différente que peut avoir une langue, la posture différente de la langue. Selon le lieu où elle se parle. Mais tiens, et la posture qu'elle décide de prendre. Super. Voilà. D'ici là, merci à tous nos fans. Arrêtez de prendre des photos avec nous dans les rues et de nous arracher nos vêtements. C'est infiniment insupportable. Mais dansez New bien. Dansez bien sur Tsege. Moi na poto. Voilà, le titre Moi na poto. Bisous. Bisous. Adieu, chat loublet. Jojo. Kobe Bubari, Nana, Nana, Nicolela. Radio Jo.